Voici que le pape s'est levé à son trône. Il lit l'introit de la messe statuite et vous entendez sa voix. Vous avez entendu Pie XII entonnant le Gloria in excelsis Deo, et le murmure que vous entendez maintenant, c'est le Gloria récité par tous les salinois qui l'entourent.